Mon vrai boulot à moi, c'est de prendre des mecs et de les transformer en messies. N'importe qui. Un PD anorexique, natif de Saint-Pierre-et-Miquelon, un patron de PME au bord de la faillite qui se récite du Rimbaud en faisant teinter les glaçons. Un préposé au guichet de la caisse d'allocation qui pleure dans le mouchoir de sa grand-mère, etc. N'importe qui. Je ne suis pas regardant sur la matière première. Dans mon activité de messie, ce qui compte, c'est l'auréole. C'est de sauver, même pour 30 secondes. Voilà la procédure, c'est très simple. Je prends mon futur messie et je le plante sous un réverbère spécial de mon invention. Le réverbère ne produit pas de lumière, mais il peut en absorber. Le messie parle un peu, se détend, et sans s'en rendre compte, il commence à éclairer. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Je récupère la lumière, je la fais tremper à l'encre, et vlan, la transsubstantiation amène et c'est parti, garantie écologique. C'est une opération délicate. Et je marcherai sur l'eau avant de gagner ma vie avec. Mais nous sommes assez nombreux sur le marché, chacun avec sa technique selon ses délais de livraison. Un bon rock'n'roll sauve pour 3 minutes, douche comprise. Un bon film pour 2 heures. Un bon livre peut sauver jusqu'à une semaine ou deux. C'est que la demande est forte. Un paumé prêt à se faire recrucifier pour le SMIC d'amour, ça court les rues, ça prend le métro, ça vous regarde en dedans avec des yeux suspicieux, ou avec ou sans expérience, avec ou sans prépuce, je prends. Ça marche tellement bien que je pense à étendre mon activité. Mais si je suis les stratégies industrielles du moment, ils risquent de finir avec des belles têtes d'éléphant, mes futurs Christs.